Sayadou vous dit bonsoir à tous. Il est très heureux de vous voir ici très nombreux ce soir pour assister donc à cette séance Vipassana. Vous faites tous partie d'une certaine façon de Dhamma Group puisque vous fréquentez ce centre. Et il vous remercie pour vous donner l'occasion, pour lui donner l'occasion de partager ses connaissances du Dhamma avec vous. Il en est très heureux. C'est la deuxième fois qu'il se trouve ici à Bruxelles pour enseigner le Dhamma aux militants de Dhamma Group. Donc ce soir, je vais vous parler de votre groupe. Vous faites partie du Dhamma Group. Alors, Sayadou va commencer par expliquer ce que c'est le Dhamma. Nous faisons donc tous partie du Dhamma Group. Il est donc nécessaire de comprendre le terme Dhamma. En pali, ce terme Dhamma a au moins 40 significations. Ici, nous allons être plus brefs et nous allons simplement dire que le Dhamma, c'est l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha est mort il y a 2500 ans et son enseignement, ce qu'il a enseigné, c'est le Dhamma. Ce Dhamma, c'est la vérité à propos de la vie. Le Dhamma, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. Ce n'est pas une religion au sens habituel de ce terme, il faudra pratiquer. C'est un art de vivre. Le Dhamma va nous apprendre à bien vivre. Nous avons donc dit que le Dhamma, c'est un art de vivre. Il y a trois sortes de Dhamma qui devront être développées. En pali, on dit Pariyati Dhamma, Patipati Dhamma, et Pativeda Dhamma. Ces trois sortes de Dhamma devront donc être appliquées dans notre vie de tous les jours. Il s'agira d'étudier, de comprendre, de réfléchir. Nous devons commencer par étudier le Dhamma de façon théorique. Ensuite, nous allons le mettre en pratique, le pratiquer. Et nous pourrons ainsi élever la qualité de notre vie. Notre vie va devenir plus élevée, nous serons plus éduqués. Mais cette qualité de vie supérieure que nous allons acquérir grâce au Dhamma n'a rien à voir avec le bien-être matériel. Il s'agit essentiellement de qualité mentale. Pour comprendre la vie, nous devrons suivre le Dhamma. Nous avons parlé de Pariyati Dhamma. C'est donc l'étude théorique, la compréhension théorique. Dans le canon pali, il y a trois grandes parties, trois grandes sections. La première, c'est la section du Vinaya. La deuxième, c'est la section du Suttanta. Et la troisième, c'est l'Abhidhamma. Le Vinaya, c'est le code de discipline. Les Suttanta, ce sont les sermons qui vont nous dire comment appliquer cette discipline. Et la troisième corbeille, c'est l'Abhidhamma, c'est la réalité. L'enseignement du Bouddha était exclusivement oral au début. Ce n'est qu'à quelques années après son décès qu'il a été transcrit par écrit. C'est le canon pali. Mais étudier ces trois sections, le Vinaya, les Suttanta et l'Abhidhamma, c'est énorme. Il nous faudra beaucoup de temps pour y arriver. Pour ce qui est de Sila, la moralité, il s'agira essentiellement de contrôler les actes physiques et verbaux. La pratique de Sila va nous protéger contre les impuretés qui nous viennent par les paroles et par les actions physiques. Nous allons réussir grâce à cela à contrôler nos actions physiques et nos actions verbales. Si nous pratiquons cela, nos actions physiques et nos actions verbales vont devenir pures. Nous serons protégés. Les actions verbales, c'est essentiellement le mensonge. Éviter le mensonge. Les actions physiques, c'est éviter de tuer, de voler, de se méconduire sexuellement et de prendre des intoxicants. Le nombre de préceptes que l'on prend dépend du statut de la personne. Pour les laïcs en général, il s'agit de 5 préceptes.

La concentration, samadhi, c'est la fixité de l'esprit. En général, l'esprit est très agité. Il vagabonde partout. Il n'est pas développé. C'est ce développement de l'esprit qui va faire la différence entre les êtres. Prenons par exemple les êtres humains et les animaux. À certains points de vue, les animaux nous sont supérieurs. Par exemple, ils nagent plus vite, ils se déplacent plus vite. Ils sont donc plus développés que nous à ces points de vue-là. Quelle est la différence entre les humains et les animaux? Tous les deux ont un corps et un esprit. Les animaux mangent, nous également. Nous mangeons, nous dormons. Lorsque l'animal meurt, ce sont les humains qui vont manger leur corps. Lorsque nous mourons, lorsque les humains meurent, ce sont les animaux qui mangent leur corps. Donc, au point de vue du corps, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est surtout au niveau de l'esprit qu'il y a des différences. Les humains ont un esprit plus développé que les animaux. L'esprit des animaux n'est pas développé. L'animal se contente de manger, de dormir et de prendre plaisir. De nos jours, il y a beaucoup d'êtres humains qui se contentent également de manger, de dormir et de prendre plaisir. Mais un être humain digne de ce nom est quelqu'un d'éduqué. Il a développé les qualités mentales et en conséquence, il est supérieur aux animaux. Ce sont ces qualités de l'esprit qui font la différence. Les animaux et les humains ont donc un esprit différemment développé. Ils n'ont pas la même qualité d'esprit. Mais les humains entre eux ont également des différences à ce niveau. Il y en a certains dont l'esprit est plus développé. Ce sont des personnes qui sont supérieures aux autres. Et cette qualité de l'esprit, ce développement de l'esprit, dépend essentiellement de la concentration, samadhi. Sila, la moralité, permet donc de contrôler les actes physiques et les actes vocaux. Samadhi, la concentration, va nous permettre d'acquérir la force mentale. Mais ceci, c'est un entraînement. En pratiquant le Dhamma, nous pourrons donc améliorer la qualité de notre vie. Mais pour développer la concentration, il faudra obligatoirement s'entraîner. Ce n'est pas possible de développer la concentration si on ne s'entraîne pas, si on ne pratique pas. C'est justement le deuxième Dhamma dont il a été question précédemment, Patipatti Dhamma, la pratique. Après avoir compris intellectuellement, avoir étudié la théorie, il faudra mettre tout cela en application. L'étude théorique, la lecture de livres, l'écoute d'enseignements, tout cela c'est la connaissance théorique. En ce moment, vous écoutez un enseignement sur le Dhamma et vous acquérez une connaissance théorique. Mais cette connaissance théorique se perd très facilement. Il faudra donc passer à l'étape supérieure et commencer à pratiquer, s'entraîner. L'entraînement, la pratique, c'est une connaissance direct, personnel, qui nous vient de notre expérience. Il faudra, pour y arriver, faire preuve d'effort, développer notre attention et réussir à maintenir notre esprit fixé sur l'objet. Si nous réussissons à maintenir l'esprit fixé sur l'objet, il va se développer de plus en plus et nous obtiendrons la concentration, le samadhi. Plus la concentration est forte, plus on comprend la vie. Pour développer la concentration, il faudra donc que nous fassions un effort, que nous développions cet effort, que nous développions notre attention. Plus la concentration se développe, plus l'objet devient clair. On voit clairement les objets. Si on voit clairement les objets, la compréhension apparaît Et ce type de compréhension est appelé sagesse. Pour que la sagesse se manifeste, il faudra donc pratiquer. Il faudra développer les qualités de l'esprit. L'esprit va se développer de plus en plus au fur et à mesure de l'entraînement. Et à un moment, la sagesse pénétrante va se manifester. Cette sagesse pénétrante, c'est Pativeda Dhamma, la troisième sorte de Dhamma. C'est donc la sagesse, c'est la compréhension profonde, en détail. Et qu'allons-nous comprendre profondément, nous allons comprendre notre vie. Plus nous comprenons la vie, moins nous souffrirons, et nous serons en mesure d'expérimenter la paix et le bonheur. Même si nous avons des souffrances dans notre vie, nous deviendrons capables petit à petit de les endurer facilement à cause de cet esprit développé. Voilà comment le Dhamma élève la vie. Donc, le Dhamma, c'est essentiellement Sila, la moralité, Samadhi, la concentration, et Panya, la sagesse. C'est le chemin de la libération, le chemin de l'illumination. Vous faites partie de Dhamma Group et vous avez certainement déjà entendu parler du noble octuple sentier. Ce noble octuple sentier comprend 8 facteurs regroupés en 3 grandes sections. Les 3 premiers facteurs font partie de Sila, les 3 suivants font partie de la concentration et les 2 derniers font partie de la sagesse. Sila, Samadhi et Panya. Pour comprendre plus en détail, il faut savoir que les 3 facteurs de Sila sont donc la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Si vous avez la parole juste et l'action juste, autrement dit que vous ne transgressez pas ces 2 préceptes, vous détenez Sila, la moralité. Si vous appliquez ces mêmes préceptes moraux dans votre vie professionnelle, vous avez les moyens d'existence juste. L'effort juste, l'attention juste et la concentration juste forment le groupe de Samadhi. C'est la base de Samadhi. En pali, on dit Sama Vayama, effort juste, Sama Sati, attention juste, et Sama Samadhi, concentration juste. Si vous fournissez un effort pour être attentif sans interruption à l'objet, votre esprit va rester fixé sur l'objet. Il sera alors contrôlé et vous aurez la puissance mentale. Mais si votre esprit n'est pas contrôlé, qu'il pense constamment, il ne détient pas cette puissance mentale. Plus l'esprit sera donc concentré, plus il y aura de force mentale. Nous avons donc vu jusqu'à présent les 6 premiers facteurs de l'octuple sentier. Le dernier groupe, c'est le groupe de la sagesse, Panya. La sagesse, c'est la compréhension. Cette compréhension, c'est quelque chose qui appartient à l'esprit. Elle n'appartient pas au corps. Si notre concentration se développe, nous réussirons à voir clairement les objets. Les objets, ce sont le corps, les phénomènes physiques et mentaux qu'on observe. Les objets vont donc devenir très clairs et nous pourrons dès lors comprendre facilement en quoi ils consistent réellement. Nous aurons alors la compréhension juste. La compréhension juste s'enracine donc dans la concentration juste. C'est parce que notre esprit est bien concentré que nous comprenons. Si nous avons la compréhension juste, forcément les vues fausses disparaissent de l'esprit. Cette section de la sagesse comprend 2 facteurs, la pensée juste et l'intention juste. La pensée juste, c'est le contraire des vues fausses. Les vues fausses vont donc disparaître. Et les vues fausses, c'est essentiellement la croyance en l'existence réelle du je. Lorsque la sagesse sera apparue, cette croyance va disparaître et le méditant verra clairement qu'il n'y a en lui que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interaction. Nous essayons donc de développer notre attention, de maintenir notre esprit fixé sur l'objet, les phénomènes physiques et mentaux. Nous commençons petit à petit à comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. C'est donc pour toutes ces raisons que nous pratiquons le Dhamma. Nous allons petit à petit comprendre de mieux en mieux en quoi consiste notre être et nous allons nous débarrasser des vues fausses. Donc, nous devons comprendre que nous faisons partie du Dhamma Group et le Dhamma Group, c'est un groupe de personnes qui pratiquent le Dhamma. Le Dhamma, c'est un art de vivre. Nous allons apprendre à vivre correctement. Nous allons développer Sila, la première section, la moralité. Nous allons développer Samadhi, la concentration, c'est la deuxième section. Et nous allons essayer de développer la troisième section, Panya, qui consiste à comprendre la vie correctement. On peut donc dire que les personnes qui font partie de Dhamma Group vivent selon le Dhamma. Plus nous allons développer en nous les huit facteurs du noble octuple sentier, moins nous souffrirons. Moins il y aura de pollution mentale en nous. Les pollutions mentales, c'est par exemple l'orgueil, la vanité, la jalousie, la colère, le désir, etc. Il y en aura de moins en moins au fur et à mesure de l'entraînement. Pourquoi l'esprit n'est-il pas pur en général ? Parce qu'il est toujours envahi par ses impuretés mentales, ses pollutions mentales. Le Dhamma Group doit donc pratiquer le Dhamma. Si nous pratiquons le Dhamma, notre vie va devenir beaucoup plus paisible, beaucoup plus pure, parce que les pollutions vont progressivement disparaître de notre esprit. Quelqu'un qui a une bonne moralité est en général quelqu'un qui est aimé, apprécié. Il est considéré comme une bonne personne. C'est une personne qui amène la paix autour de lui, qui n'amène pas la crainte ni l'anxiété. Nous qui donc pratiquons le Dhamma, nous sommes, pourrait-on dire, des amis dans le Dhamma. Et si nous réussissons à faire régner cette paix autour de nous et cette sécurité autour de nous, nous serons aimés. La personne qui pratique donc la moralité est aimée, est considérée comme une bonne personne. La personne qui pratique la concentration est une personne fiable, solide. Et la personne qui pratique la sagesse est une personne qui va devenir de plus en plus pure et éventuellement devenir une noble personne. Les personnes nobles ne sont plus des personnes ordinaires, qui en général sont agitées. Si donc nous pratiquons le Dhamma, nous devons savoir que nous le faisons pour acquérir ces qualités de l'esprit, et nous deviendrons ainsi, petit à petit, des personnes supérieures. Il est donc très important pour les membres de Dhamma Group de pratiquer le Dhamma. Pratiquer le Dhamma, cela veut dire qu'il faudra s'entraîner par soi-même. Personne ne peut le faire à notre place. C'est nous qui devons pratiquer. Nous devons le faire avant de tomber malade, avant de devenir vieux, car à ce moment-là, ça deviendra très difficile de le pratiquer. Nous devrons le pratiquer régulièrement, ce qui veut dire chaque jour. Nous devrons essayer d'être toujours avec le Dhamma, de nous faire du Dhamma un ami. Si nous nous réjouissons dans le Dhamma, notre vie va devenir très agréable. Nous obtiendrons de très grands bénéfices de notre pratique et nous pourrons nous libérer progressivement de la souffrance. Vous tous qui faites donc partie de Dhamma Group, ne soyez pas paresseux. C'est très important de s'établir dans le Dhamma. Nous en resterons là car le temps passe. Puissiez-vous tous être capables de pratiquer le Dhamma, de vous établir dans le Dhamma et d'expérimenter la paix et le bonheur. Sadhu, sadhu, sadhu. So I need to conclude off my Dhamma talk by wishing you all, may you all be able to practice regular in the Dhamma, stay with the Dhamma, always in peaceful life. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.